Ceci est un audio généré issu de l'article Frank Olson, le scientifique tombé d'une fenêtre après une dose de LSD de la CIA, et le fantôme qui hante encore Monsieur K-Ultra, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Dans l'histoire de Monsieur K-Ultra, un nom revient toujours. Il traverse les rapports, les livres, les documentaires. Ce nom, c'est Frank Olson. Son parcours commence comme celui d'un scientifique brillant. Il se termine 10 jours après une dose de LSD administrée par la CIA, par une chute mortelle depuis une fenêtre d'hôtel à New York. Entre ces deux moments, il y a des silences, des aveux partiels et une quantité impressionnante de zones d'ombre. Avant tout ça, Frank Olson est un homme très concret. Bactériologiste, il travaille pour l'armée américaine sur des programmes liés à la guerre biologique. Ses recherches le placent au croisement de la science militaire et des opérations secrètes. Des archives conservées à la bibliothèque présidentielle Ford montrent son nom dans des notes et mémos liés à la CIA et au programme Monsieur K-Ultra. On y voit ses déplacements, son profil, et surtout ce qui se passe dans les jours qui précèdent sa mort. Olson ne se trouve donc pas dans périphérie du système. Il est en plein milieu. Tout bascule fin novembre 1953. Frank Olson participe à une réunion dans un chalet près d'un lac, en compagnie de responsables de la CIA et d'autres scientifiques. Ce qui ressemble à un séminaire de travail va prendre un virage inattendu. Pendant cette rencontre, Sidney Gottlieb, le chimiste qui dirige une bonne partie de Monsieur K-Ultra, décide de verser du LSD dans les verres de plusieurs participants. Personne ne les prévient à l'avance. Parmi eux, il y a Frank Olson. Plus tard, la CIA reconnaîtra cet épisode dans ses propres archives. Des documents disponibles dans la FOIA Reading Room expliquent qu'Olson a bien reçu du LSD sans en être informé clairement. Après ce dîner, son entourage décrit un changement brutal. Frank devient anxieux, troublé, instable. Il parle de quitter son travail, évoque des doutes profonds, confie qu'il ne se reconnaît plus. La CIA, inquiète, l'envoie consulter un psychiatre lié à l'agence. Mais cette tentative arrive déjà trop tard. La descente a commencé. 10 jours seulement après ce fameux dîner, Olson se trouve dans une chambre d'hôtel à New York avec un collègue de la CIA. Dans la nuit du 27 novembre, il bascule par la fenêtre du 13e étage. On le retrouve écrasé sur le trottoir. Il meurt sur le coup. Très vite, la version officielle parle de suicide. Des télégrammes et mémos internes présentent l'affaire comme une crise nerveuse aboutissant à un geste désespéré. La famille reçoit cette histoire, sans véritable explication sur l'usage du LSD. On lui cache l'essentiel. Pendant des années, ce récit ne bouge presque pas. Puis, dans les années 70, tout se fissure. Au moment où les enquêtes sur Monsieur K-Ultra refont surface, la CIA commence à déclassifier une partie de ses dossiers. La famille Olson découvre alors que Frank a été drogué au LSD par la CIA sans son consentement. Un mémorandum interne, intitulé « Frank Olson suicide », admet que l'expérience au LSD a directement affecté son état mental. La version « il a juste craqué » perd soudain toute crédibilité. En 1994, la famille fait exhumer le corps pour une nouvelle autopsie. Le rapport qui en sort, commenté par plusieurs experts, indique des fractures au crâne qui ne correspondent pas forcément à un simple choc de chute. Pour certains, ces blessures ressemblent davantage à un coup porté avant la défenestration. Cette conclusion ne prouve à tout l'histoire. Mais elle ouvre la porte à une hypothèse encore plus dérangeante, et si Frank Olson n'avait pas sauté de lui-même? À partir de là, l'affaire change de dimension. Des livres d'enquête, comme Ma terrible Mystac, défendent l'idée d'une élimination maquillée en suicide. Ces travaux croisent les blessures, le rôle d'Olson dans des programmes très sensibles, et la manière dont la CIA a géré la communication avec la famille. Officiellement, l'État américain n'a jamais reconnu un assassinat. En revanche, il a fini par présenter des excuses pour l'administration du LSD et pour les mensonges tenus ensuite. La famille a reçu une indemnisation, mais pas de réponse définitive. Quand on ne garde que les faits admis dans les archives officielles, plusieurs points restent clairs. La CIA reconnaît que Frank Olson a reçu du LSD sans le savoir, sur décision de Sidney Gottlieb. Elle admet que cette expérience a précipité une grave crise psychique. Les dossiers de la bibliothèque Ford montrent que la Maison Blanche a suivi l'affaire de près lorsque le scandale Monsieur K-Ultra est revenu dans l'actualité dans les années 70. Le Frank Olson Project, qui rassemble les mémos, lettres et rapports, met en lumière une autre réalité, L'agence sait que la mort d'Olson ne peut pas se comprendre sans cette expérience de laboratoire menée sur un être humain qui n'avait rien demandé. L'histoire de Frank Olson hante encore Monsieur K. Ultra pour une raison simple. Elle met un visage, une famille, une tombe derrière les mots « recherche sur le comportement », « expérience » ou « programme secret ». Elle concentre tout ce que le public retient de cette époque, des tests de LSD sur des personnes non informées, des SAFUS où l'on observe des gens drogués, des projets opérationnels comme Monsieur K. Delta, des commissions parlementaires comme le Church Committee, et au milieu de tout ça, un homme qui tombe d'une fenêtre après 10 jours de cauchemar. Son nom renvoie aux appartements utilisés pour tester le LSD sur des inconnus. Il résonne avec l'idée d'interrogatoires spéciaux où des drogues servent à désorienter ou briser quelqu'un. Il apparaît dans les dossiers officiels qui ont fini par prouver que Monsieur K. Ultra n'était pas une rumeur, mais bien un programme réel de la CIA. En ce sens, Frank Olson devient presque un symbole, celui du prix humain payé quand un État décide de transformer l'esprit d'un individu en simple terrain d'essai. En revisitant son histoire, on ne regarde pas seulement un drame du passé. On se retrouve face à une question qui dépasse largement les années 50. Que se passe-t-il quand des institutions se convainquent que la raison d'État vaut plus que la vie ou la vérité d'une personne ? La trajectoire de Frank Olson ne donne pas toutes les réponses. Mais elle offre un point de départ puissant pour réfléchir au lien entre secret, pouvoir et responsabilité humaine.